À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, le séminaire conjoint du Comité national d'études des étudiants d'Allemagne sur le rapport d'activité du Comité central du Parti du Travail de Corée prononcé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti a eu lieu à Berlin. Les orateurs ont souligné que le rapport d'activité du Comité central du Parti du Travail de Corée prononcé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès est le programme pour développer le Parti du Travail de Corée en organisation politique glorieuse du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et achever l'œuvre socialiste et réaliser l'œuvre de réunification de la Corée et l'émancipation du monde. Par ailleurs, il y a eu la réunion générale annuelle du Comité national d'études des étudiants d'Allemagne. On y a dressé le bilan des activités du comité de cette année et discuté du projet d'activité de l'année suivante.